Lebon. Lebon. Amon na fi. Dana. Kinak. Ya. Ay jangalo won. Sama mbokk lebu yi ñoo doon jànga. Legi nak bu ñuy jàng noonu ñu jënd yépp koal lepp la ñuy jënd. Léegi indi bâche yi looy ay bâche tout ça là. Léegi nag ñu daal dee fàtte nag ay tub. Bu ñu fàttee tub yi nag ba nga xam ne nag ngoon na noonu nag ñu war a bâche te fu ñuy louer affaire yi sori na sori boo xam ne daal kenn mënatul dellu foofu daal pour dem foofu pour louer. Xamuñu naka la ñuy def te naaj baa ngi tàng. Léegi nag mu am benn naar bu doon romb noonu ak juróom ñeenti gëléem. Léegi naar bi bu mu rombee ak gëléem yi noonu mu jox leen ire quoi ñu ne nag léegi waa comme que naar bi mu ngi nii di rombate am na ay gëléem léegi nañu àbb gëléem yi ñu bâche. Ñu ne ok loolu kay moom xalaat la. Léegi ñu daal di àbb gëléem yi daal di bâche daal di defar ba mu baax ñeent juróom ñeenti gëléem benn gëléem taxaw fële ŋànk benn bâche kii ŋànk bâche kii ŋànk bâche rek bâche bi daal di taxaw nag gaay toog ñu war a jàng quoi. Léegi bu ñu jàngee nag ba si bët set noonu nag jàngay jeex ak boobu xam nga jàngay balaa muy jeex dañuy remercier ñi dimbali woon affaire yooyu léegi nag ñuy remercier nit ñi nag. Léegi nag paa bi daal di ñu nag ay asalaamaaleykum ma mbokk lébu na ngeen def. Léegi nag jàngay tubaarkala maasàllaa neex na lool. Léegi damaa bëggoon daal nu daal di gërëm nu mbokk yi nga xam ne daal noo si taxawoon ni nu dimbali daal ba affaire yëpp a taxaw nii. Léegi danoo bëggoon daal nu daal di gërëm maire bi daal di gërëm chef de quartier bi ba nu gërëmee chef de quartier bi ba pare nag nu gërëm mbokk yi ñi ñëwoon ak yooyu gërëm daal et cetera. Léegi nag bi ñu gërëmee ñëpp ba pare léegi paa bi ne oh waaw fàttoo naka léegi nag il faut nag nu gërëm nu mbokki gëléem yi ñu jàppale si bas ba bas bi taxaw affaire yooyu gëléem yi siñ ree rek bas ba ne mbapp daanu seen kaw.